1 Thessalonians. 1 Thessaloniciens. Chapter 4. Chapitre 4. Verses 16 all the way to 17. Verset 16 jusqu'à 17. For the Lord himself will come down from heaven. Car le Seigneur lui-même veut revenir du ciel. With a loud command. Un signal donné. With the voice of the archangel. À la voix d'un archange. And with the trumpet call of God. Et au son de la trompette de Dieu. And the dead in Christ will rise first. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. After that. Ensuite. We who are still alive. Nous, les vivants. And are left. Qui serons restés. Will be caught up together with them in the clouds. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées. To meet the Lord in the air. À la rencontre du Seigneur dans les airs. And so we will be with the Lord forever. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. I'm reading John chapter 11. Je suis en train de lire Jean chapitre 11. Verses 25 to 26. Les versets 25 jusqu'à 26. I am the resurrection. Je suis la résurrection. And the life. Et la vie. He who believes in me will live. Celui qui croit en moi vivra. Even though he dies. Même s'il meurt. And whoever lives. Et quiconque vit et croit en moi. Will never die. Ne mourra jamais. The death of Lazarus. La mort de Lazare. You see that the Lord was talking about the rapture. Vous voyez que le Seigneur était en train de parler à propos de l'enlèvement. Because he says he's the resurrection and the life. Parce qu'il dit, je suis la résurrection et la vie. When he talked resurrection. Quand il parle résurrection. He meant those that have died. Il pense ceux qui sont morts. How he is able to resurrect them. Comment il est capable de les ressusciter. And when he said he is the life. Et quand il a dit qu'il est la vie. And those who are alive and believe in him. Et ceux qui sont vivants et croient en lui. Will never die. Ne vont jamais mourir. He meant the translation of the living people during the rapture. Il pensait au ravissement des vivants pendant l'enlèvement. But I want you to know that when the Lord was going into Lazarus. Mais je veux vous faire savoir que quand le Seigneur allait vers Lazare. He knew that Lazarus had died. Il savait que Lazare était mort. But he said Lazarus is asleep. Mais il a dit Lazare dort. That is the same thing you see in Daniel chapter 12. C'est la même chose que vous voyez dans Daniel 12. When he said those who are asleep in the dust of the earth. Quand il dit ceux qui dorment dans la poussière de la terre. They will rise up. Ils veulent ressusciter. Some to everlasting shame and contempt. Certains pour la honte éternelle et pour le mépris. Some to everlasting life. D'autres pour la vie éternelle. John chapter 5 verse 24. Jean chapitre 5 verset 24. He says, I tell you the truth. Il dit, je vous dis la vérité. Whoever hears my word. Celui qui écoute ma parole. And believes him who sent me. Et qui croit à celui qui m'a envoyé. Has eternal life. A la vie éternelle. And will not be condemned. Et ne vient point en jugement. He has crossed over from death to life. Mais il est passé de la mort à la vie. And then verse 25. Et ensuite le verset 25. He says, I tell you the truth. Je vous dis la vérité. A time is coming and has now come. L'heure vient et elle est déjà venue. When the dead will hear the voice of the Son of God. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Will live. Et ceux qui l'auront entendu vivront. For as the Father has life in himself. Car comme le Père a la vie en lui-même. So he has granted the Son to have life in himself. Ainsi, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. And he has given him authority to judge because he is the Son of Man. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Verse 28, precious people. Le verset 28, précieux peuple. Do not be amazed at this. Ne vous étonnez pas de cela. For a time is coming. Car l'heure vient. When all who are in their graves will hear his voice. Où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix. And come out. Et en sortiront. Those who have done good will rise to live. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. And those who have done evil will rise to be condemned. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Listen to me, precious people. Écoutez-moi, précieux peuple. What the Lord was talking about here is the rapture of the church. Ici, le Seigneur était en train de parler de l'enlèvement. The resurrection of the dead from their graves. La résurrection des morts de leur tombe. And you see, I began from John chapter 11. Et vous avez vu, j'ai commencé par Jean chapitre 11. Verse 25. Le verset 25. When Lazarus was very sick. Quand Lazare était très malade. So that was about the rapture of the church. Vous voyez, c'était à propos de l'enlèvement de l'église. You see that the Lord said he is asleep. Nous voyons que le Seigneur a dit il dort. Like he says for those who are under the dust of the earth. Comme il dit pour ceux qui sont sous la poussière de la terre. And you see that the Lord was speaking to Martha, the sister of Lazarus. Et vous voyez que le Seigneur était en train de parler à Marthe, la sœur de Lazare. And the Lord said, I am the resurrection and the life. Et le Seigneur dit, je suis la résurrection et la vie. He who believes in me will live. Celui qui croit en moi vivra. Even though he dies. Même s'il est mort. That is the resurrection of the dead in the rapture. Ça c'est la résurrection des morts, l'enlèvement de l'église. And whoever lives. Et quiconque vit. And believes in me. Et croit en moi. Will never die. Ne veut jamais mourir. That is the translation that took place with Enoch. Ça c'est le ravissement qui prend place avec Enoch. That is the translation that took place with Elijah. C'est aussi le ravissement qui prend place avec Élie. And those were prophecies about the rapture of the church. Et ceux qui ont été prophétisés à propos de l'enlèvement de l'église. Listen to me, precious people. Écoutez-moi, précieux peuple. In John, he says those who will hear. Dans Jean, il dit ceux qui entendront. And so you begin to understand. Et alors, vous commencez à comprendre. There is a prayer item you need to make as a Christian during such a time. Que s'il y a un point, une prière que vous avez besoin de faire en tant que chrétien pendant une telle période. Is that you be able to hear the voice of the Son of Man. C'est que vous soyez capable d'entendre la voix du Fils de l'homme. But who are those under the dust of the earth? Mais qui sont ceux qui sont dans la poussière de la terre? That are asleep. Qui sont en train de dormir? That will hear the voice of the Son of God. Qui vont entendre la voix du Fils de Dieu? Those are the ones that heard his voice when they were walking on earth. Ce sont ceux qui savaient déjà entendre sa voix quand ils étaient en train de marcher sur terre. Before they died. Avant qu'ils meurent. That means they crucified the flesh. Ça signifie qu'ils ont crucifié la chair. And they received the Holy Spirit. Et qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. And through the Holy Spirit. Et à travers le Saint-Esprit. They were able to hear his word. Ils étaient capables d'entendre sa voix. As he says in John chapter 5 verse 24. Comme il est dit dans Jean chapitre 5 verset 24. But you see that when he goes to the grave. Que vous voyez que quand il va à la tombe. And in that cemetery there were many people. Dans ce cimetière ils étaient beaucoup. But he calls out. Que il a appelé à sortir. And only one person hears that voice. Et une seule personne a entendu cette voix. And that is Lazarus. C'est Lazare. And you see that Lazarus, having been able to hear the voice of the Son of God. Et vous voyez que Lazare a été capable d'entendre la voix du Fils de Dieu. He comes out and now he lives. Il est sorti et maintenant il vit. That is the rapturing of the dead that he showed me. C'est l'enlèvement des morts qu'il m'a montré. On the 26th of November 2006. Le 26 novembre 2006. When the Lord he lifted me up above the earth. Quand le Seigneur il m'a soulevé au-dessus de la terre. He showed me the earth. Il m'a montré la terre. I saw what looked like an earthquake hit the earth. Et j'ai vu comme un tremblement de terre sur la terre. And then all of a sudden I saw a lot of dust. Et soudainement j'ai vu beaucoup de poussière. And I saw particles of soil mixed in the dust. Et j'ai vu des particules de terre mélangées à la poussière. And after a while, et après un court moment, I then saw those that were under the earth. J'ai vu ensuite ceux qui étaient sous la terre. Wearing very glorious bodies. Se revêtant de corps très glorieux. Pulled by the glory of the Lord from the graves. Ils ont été attirés par la gloire du Seigneur de leur tombe. There was a mix between the dust and the glory of the Lord. Et il y avait un mélange de cette poussière et de la gloire du Seigneur. But the more they were pulled up, the more there was only glory. Et plus ils montaient, plus ils étaient remplis de gloire. And when I looked up, I saw the Lord in His glory receiving them. Et quand j'ai regardé en haut, j'ai vu le Seigneur dans sa gloire les recevoir. And they were raptured into heaven. Et ils étaient enlevés dans le ciel. And that's why you see the Lord commanded first the removal of the stone. Et c'est pourquoi, vous voyez, le Seigneur a commandé premièrement le déplacement de la pierre. And you see that that is the same thing that is in Daniel chapter 12 verses 2 to 3. Et vous voyez que c'est la même chose qu'on voit dans le chapitre de Daniel, chapitre 12, versets 2 à 3. But what amazes me, mais ce qui m'étonne, in John chapter 5 that we just read, dans Jean chapitre 5 que nous venons juste de lire, he says the Son of Man has been given authority and power to judge. Il dit, le Fils de l'homme, il lui a été donné le pouvoir, l'autorité de juger. So you begin to understand that actually when he placed the white glorious horse above the two wedding rings. Alors on commence à comprendre que actuellement, que quand il place le glorieux cheval blanc au-dessus des deux anneaux de noces, and he took the golden casing, et il a pris l'écrin d'or, and he placed it on the left hand side of the entrance to heaven, et il l'a placé du côté gauche de l'entrée du royaume de Dieu. When he took the wedding rings, they were stuck. When he removed them, they were stuck. He broke them. I saw him break them apart. Quand il a pris les anneaux de noces, ils étaient collés ensemble. Quand il les a déplacés, ils étaient encore collés, mais il les a séparés. Et je l'ai vu les séparer. They were stuck together. Ils étaient collés ensemble. And the inside lining, the lining, the inside of the casing is blood red. Et la doublure intérieure de l'écrin, la doublure intérieure était rouge sang. But again, what I'm saying here. Et encore, qu'est-ce que je suis en train de dire ici? Is that there is a white horse above the two wedding rings in the sky. C'est qu'il y a un cheval blanc au-dessus des deux anneaux de noces. And the empty casing is on the left, not right, left-hand side of the entrance to heaven. Et l'écrin est du côté gauche de l'entrée du royaume des cieux. In other words, he said the day of the rapture is also the day of judgment. Dans d'autres mots, il dit que le jour de l'enlèvement, c'est toujours aussi le jour du jugement. Because he says those that will hear his voice, parce qu'il dit, ceux qui vont entendre sa voix will rise up and live, vont ressusciter et vivre. And then he continues by saying the Father has given him authority to judge. Ensuite, il continue en disant que le Père lui a donné l'autorité de juger. Because when he's seated on that white horse, parce que quand il était monté sur ce cheval blanc, he is a fighter. Il est un lutteur. He is coming, il vient et de sa bouche, and from his mouth comes the sword that kills the enemy by the eastern gate of Jerusalem. Sort une épée qui va tuer ses ennemis à la porte est de Jérusalem. He also wrote in Matthew, il a aussi écrit dans Matthieu, and in the book of Luke, et dans l'évangile de Luc, and he said two women will be grinding in a mill. Et il dit deux femmes vont moudre au moulin. He will take one. Il veut en prendre une and leave the other. Et laisser l'autre. That is the judgment he's talking about. C'est le jugement dont il parle. But precious people, mais précieux peuple, let me handle the first thing first. Laissez-moi traiter la première chose. Premièrement, how many resurrections will there be? Combien de résurrections il y aura? There will be two resurrections. Il va y avoir deux résurrections. The first resurrection, la première résurrection, will take place on the day of the rapture, aura lieu lors de l'enlèvement. And you see in the book of Luke, et vous voyez dans le livre de Luc, he says two people in the bed, deux personnes vont être dans le même lit, and then he will take one, et il veut en prendre une, and leave the other, et laisser l'autre. Again in the book of Luke, encore dans l'évangile de Luc, he says two people will be in bed, il dit deux personnes vont être dans le même lit. You take one and leave the other. Il veut en prendre une et laisser l'autre. Let us look at the book of Luke 17. Regardons dans l'évangile de Luc 17. Luke chapter 17. Luc chapitre 17. And if you have time, you can read the whole scripture. Si vous avez le temps, vous pouvez lire tout le passage. Let's just begin all the way from 24. Commençons par le verset 24. For the Son of Man in his day, car le Fils de l'homme en son jour will be like lightning, sera comme l'éclair. It says which flashes and lights up the sky from the end to the other, resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre. But why does he use lightning? Mais pourquoi est-ce qu'il utilise l'éclair? Because it will happen in a twinkling of an eye, very fast. Parce que ça va arriver en un clin d'œil, très rapidement. Nobody will call you and send you an SMS to prepare quickly, do a quick 1 minute repentance, to go into a very deep, you know, but no, that will not happen. Personne ne va vous appeler et vous envoyer un SMS en vous disant, très vite, prépare-toi, fais une rapide 1 minute de repentance. Mais ça ne veut pas arriver. Because he says, in the twinkling of an eye, parce qu'il dit, en un clin d'œil, he will come for the church. Il va venir pour l'église. And he says, but first he must suffer many things and be rejected by this generation. Et il dit, premièrement, il doit souffrir beaucoup de choses et être rejeté par cette génération. Just as it was in the days of Noah. Juste comme c'était dans les jours de Noé, also will it be in the days of the Son of Man. Ça va être pareil dans les jours du Fils de l'homme. People were eating, drinking, marrying. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient. And being given into marriage. Et étaient donnés en mariage. Up to the day Noah entered the ark. Jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Then the flood came and destroyed them. Et le déluge est arrivé et les a détruits. In other words, he's meaning, en d'autres mots, il pense that when the rapture takes place, l'enlèvement prend place, surely it will be just a small fraction that will be taken in the rapture. Certainement, ce sera seulement une petite fraction qui va être prise lors de l'enlèvement. Because in the time of Noah, you see that only 8 people were taken from the whole earth. Parce que du temps de Noé, vous voyez ça? Il y a seulement 8 personnes qui ont été prises dans l'arche. And then judgment entered the earth. et ensuite c'est le jugement sur la terre. So at the same time, during the rapture, alors dans le même temps pendant l'enlèvement, that's why the day of the rapture is a day of judgment. C'est pourquoi le jour de l'enlèvement est un jour de jugement. He is going to take some and leave others. Il va en prendre certains et en laisser d'autres. When Noah entered the ark, alors quand Noé est entré dans l'arche, then tribulation entered. Ensuite, la tribulation est arrivée. Judgment entered the earth. Le jugement est entré sur terre. And when you're listening to this, listen very, very carefully. If you can record it, it will help you. Et si vous êtes en train d'écouter maintenant, écoutez vraiment attentivement. Et si vous pouvez l'enregistrer, faites-le. I'm giving you a very special revelation here on why the casing is on the left-hand side. Je vais vous donner ici une révélation très spéciale à propos de pourquoi l'écran était sur le côté gauche de l'entrée. And you see very carefully here that when Noah enters the ark, et vous voyez vraiment en faisant attention quand Noé est entré dans l'arche, the tribulation enters the earth. La tribulation est entrée sur terre. So in other words, alors en d'autres mots, when Noah entered the ark, it was a prophetic event by the Lord. Alors quand Noé est entré dans l'arche, c'était un moment prophétique par le Seigneur. The Lord was speaking a prophecy. Le Seigneur est en train de dire une prophétie to the church. À l'église. He was saying after. Il était en train de dire après. After the church is taken in the rapture. Après que l'église a été enlevée au ciel. Now he's only left with the remnant Jewish church. Maintenant, il est seulement resté avec le reste de l'église juive. The 144,000. Les 144,000. And for them, they will manage to sail through the tribulation because of the seal that they have on their foreheads. Pour eux, ils vont être capables de passer à travers la grande tribulation parce qu'à cause de la marque qu'ils auront sur le front. And we pray that the Lord will help us someday so I can talk to you about that seal. Et nous prions que le Seigneur nous aide à un moment pour que nous puissions parler de cette marque, ce sceau. But Noah represented the minority church. Mais Noé représentait l'église minoritaire. That is going through the tribulation into heaven. Qui est en train d'aller, qui ira à travers les tribulations au ciel. That is saved by the Lord. Qui est sauvé par le Seigneur. And that is the Jewish church. Et ça, c'est l'église juive. So when he placed the empty casing on the entrance to heaven. Alors quand il place l'écran vide à la gauche du ciel, de l'entrée du ciel. You begin to understand that on that hand, that is the judgment side. On commence à comprendre que de ce côté, c'est le côté du jugement. So immediately. Alors immédiatement. You see that the taking of few people from the dust of the earth and leaving majority is judgment. En prenant un peu de personnes là sous la terre et en laissant la majorité, c'est déjà un jugement. And then after that. Et ensuite, après ça. Those who are taken will go into the wedding supper of the Lamb of God in heaven. Ceux qui seront pris vont avoir part à ce festin de noces de l'agneau au ciel. After 1,007 years. Après 1,007 ans. Then the second resurrection will take place. La deuxième résurrection va avoir lieu. After the millennial rule. Après le gouvernement du millénium. Now when judgment will come. Maintenant le jugement veut venir. Now those will be resurrected, they will come out of their graves to be judged. Maintenant ceux qui seront ressuscités, qui sortiront de leur tombe, seront jugés. Wow. So the first resurrection takes place on the day of the rapture. La première résurrection prend place le jour de l'enlèvement. But that one has only very few who have been raptured going into heaven. Mais celle-là a seulement très peu qui ont été enlevés allant au ciel. And again I told you the Father gave me the numbers. I will not share. He has not allowed me. Je ne les partagerai pas. Le Seigneur ne m'en a pas donné la permission. But listen to this now. Écoutez ça maintenant. After the millennial rule. après le gouvernement du millénium, the Lord's rule is one millennium, 1,000 years. Le gouvernement du Seigneur est le millénium, 1,000 ans. So you see that the Lord takes the church into heaven. Alors vous voyez que le Seigneur prend l'Église au ciel. And then, et après, after the millennial rule, when he has come back, après le gouvernement du millénium, quand il est revenu, on the eastern gate of Jerusalem, on the Mount of Olives, à la porte de l'est de Jérusalem, au mont des Oliviers, the Lord takes the church, the raptured church into heaven. Le Seigneur prend l'Église, l'Église capturée, au ciel. And then that church later returns with him on the day of the Lord. Et ensuite, cette Église retourne avec lui au jour du Seigneur. And he rules for 1,000 years. Et il gouverne pour 1,000 ans. And we know that judgment will take place at the eastern gate of Jerusalem. Et nous savons que le jugement va prendre place à la porte est de Jérusalem. And so after the 1,000 years of the rule of Christ when the devil is bound. Et après le gouvernement de ces 1,000 ans pendant que le diable est lié, then there will be the second resurrection when they come out to be judged. Et ensuite va être la deuxième résurrection quand ils vont être jugés. And that is why you see that in John chapter 5 verses 24 to 28. Ça c'est pourquoi vous voyez dans Jean chapitre 5 les versets 24 à 28. He says all authority has been given to him. Il dit que toute autorité lui a été donnée. And he says those who are dead, et il dit ceux qui sont morts, they will be able to hear the voice of the Son of God, vont être capables d'entendre la voix du Fils de Dieu. They will resurrect and live into eternity. Les ressuscités vont vivre pour l'éternité. So the day of the rapture, alors le jour de l'enlèvement, is actually the day of judgment, est actuellement le jour du jugement. Now let me bring you to another level. Maintenant, laissez-moi vous amener à un autre niveau. I have now mentioned you two resurrections. Alors, je vous ai mentionné deux résurrections. And you want to make sure that if you die before the rapture, et vous aimeriez être sûr que si vous mourrez avant l'enlèvement, you want to make sure you are in the first resurrection. Vous aimeriez être sûr de faire partie de la première résurrection. Because he says, blessed are those in the first resurrection. Parce qu'il dit, bénis soient ceux qui font partie de la première résurrection. Revelation. Apocalypse. Chapter 20, verses 4 to 6. Chapitre 20, versets 4 à 6. He says, I saw thrones on which were seated those who had been given authority to judge. Il dit, et je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. And I saw the souls of those who had been beheaded because of their testimony for Jesus. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus. He's talking about the martyrs during the tribulation. Il est en train de parler à propos des martyrs pendant la tribulation. And he says, et il dit, because of their testimony for Jesus and because of the word of God. À cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. You want to know that once the church and the Holy Spirit have been taken away during the rapture. Vous désirez savoir que quand l'Église et le Saint-Esprit ont été pris lors de l'enlèvement, there will be a problem with faith. Il y aura un problème avec la foi. And the Lord is returning the world back to what the world was during the time of the prophets in the Old Testament. Et le Seigneur est en train de retourner le monde en arrière durant le temps des prophètes de l'Ancien Testament. So it will be by signs and wonders. Alors ce sera par des signes et par des prodiges. Calling fire from heaven, earthquakes. Appelant le feu du ciel, des tremblements de terre. You point at a mountain, an earthquake comes down. All these things are going to happen now, because now the church has been taken away. Il veut pointer une montagne et un tremblement de terre vient. Toutes ces choses veulent arriver maintenant, parce que maintenant l'Église a été enlevée. And also the Holy Spirit. Et aussi le Saint-Esprit. But what happens to the living Christians? Mais qu'est-ce qui arrive aux chrétiens vivants who are left and not taken in the rapture. Qui sont restés, n'ont pas été enlevés. We've been looking at the dead. Nous sommes en train de regarder aux morts who have been left under the dust of the earth. Qui ont été laissés dans la poussière de la terre. But now I'm addressing the living Christians. Et maintenant, je suis en train de m'adresser aux chrétiens vivants who are left. Qui ont été laissés. I'm talking about the day of the rapture being the day of judgment. Je suis en train de parler de l'enlèvement de l'Église étant le jour du jugement. And you see that they have been beheaded. Et vous voyez qu'ils ont été décapités. And they have become martyrs for Christ. Ils sont devenus des martyrs pour Christ. It will be a very tricky time for Christians. That's why you want to make sure you are in the rapture. Et ça sera un temps très critique pour les chrétiens. C'est pourquoi il vaut mieux être enlevé. Because you see, they are going to be beheaded, and many things will happen to them for their testimony for Jesus. Parce que vous voyez, ils vont être décapités et beaucoup de choses vont leur arriver à cause de leur témoignage pour Jésus. And we continue in Revelation 20. Et nous continuons dans Apocalypse 20. And it says, they had not worshipped the beast or his image and had not received his mark on their foreheads or their hands. De ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. And verse 5 says the rest of the dead did not come to life until their 1000 years were ended. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Now listen to this. This is the first resurrection. Maintenant, écoutez ça. C'est la première résurrection. Listen very, very carefully now, verse 6. Écoutez vraiment attentivement maintenant au verset 6. Blessed and holy are those who have part in the first resurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. The second death has no power over them. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. But they will be priests of God. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu. And of Christ. Et de Christ. And reign with him for 1000 years. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. So listen to me very well, precious people. Alors, écoutez-moi très bien, cher peuple. That is why you see that the casing for the wedding ring is placed on the left-hand side of the entrance, the judgment side of the entrance to heaven. Ça c'est pourquoi vous voyez l'écrin du côté gauche de l'entrée du ciel. But let me bring it another level. Laissez-moi vous emmener à un autre niveau. When the church has been raptured into heaven. Quand l'église a été enlevée au ciel. What happens to the church during the wedding supper of the Lamb of God? Qu'est-ce qui va arriver à l'église pendant le festin de noces? The two wedding rings. Les deux anneaux de noces. And the white horse above the wedding ring. Et le cheval blanc au-dessus des anneaux de noces. And we know that when he's seated on that white horse. Nous savons que quand nous voyons ce cheval blanc. He is a judge. Il est un juge. He is a fighter. Il est un combattant. He is a judge. Il est un juge. That is what he meant by saying all authority has been given him to judge. Ça c'est ce qu'il pensait en disant toute autorité lui a été donnée pour juger.